Le duel par Georges de Lys. Chapitre 1er. Privé de la pêche, son plaisir favori, durant les trois longues semaines d'inspection que son général l'avait promené à travers l'Ombronne, le capitaine du génie d'Aubenton, à peine rentré à Orbitello, siège du commandement militaire, dès la première aube, au mépris de la croisière anglaise qu'il voyait sur les côtes toscanes, se risqua en mer, hors de la baie, pour satisfaire sa tyrannique passion. Les heures s'usaient fiévreuses, accroupi à l'avant de la barque, penché, attentif telles les nuits d'étude sur les tracés de Cormontaigne, le capitaine, ce matin-là, multipliait les beaux coups d'épuisette. Légère, peu à peu plus dense, une brume tomba. Daubenton, tout à la joie de sa pêche, n'y prit garde. Sous une poussée d'aviron, les eaux bruirent. Oh, le beau Rouget! Une chaloupe armée en guerre froissa le bordage de la barque, l'accosta, au moment même où, d'un coup leste du poignet, Daubenton soulevait, au crin de sa gaule, un Rouget exceptionnel. Seulement alors le capitaine sursauta, assailli d'interpellations étrangères. Victime de sa passion, il se trouvait aux mains des marins anglais. Un quart d'heure plus tard, encore ahuri de sa mésaventure, il franchit la coupée du Revenge, chapeau de paille en tête, sa forte ligne dans une main, tandis que l'autre balayait piteusement le pont de son filet lourd de poissons. Présenté aussitôt au commodore Turkney, il eut à décliner ses noms, grades et fonctions. Puis, d'un geste, l'anglais, sur le point de se mettre à table, convia l'aide de camp du général-gouverneur de l'Ombronne à être son convive. Bon cœur et mauvaise fortune, Daubenton agréa l'invitation. Une ample pancarte aux colonnes pressées lui fut tendue. C'était le menu du commodore. Le capitaine regarda vaguement cette énumération qui lui évoquait les états de situation par son développement excessif. Il se servit sobrement. Le commandant anglais, sans perdre une bouchée, examinait son prisonnier du coin de l'œil. Entre deux services, il se crut obligé de parler, par politesse. « Eh, monsieur, vous ne faites guère honneur à mon repas. Vous semblerait-il si mesquin ?» Daubenton sourit. L'inconsciente ironie de l'anglais égayait sa mélancolie. « Dieu m'en garde, amiral, répliqua-t-il, mais je suis d'un médiocre appétit, et de plus, l'accident qui vient de m'arriver. » Le commodore eut un haussement d'épaule et marmotta. « Les Français, tous les mêmes, petits estomacs. »« Oh !» lança Daubenton, prompt la riposte, « je connais un détail à vous démentir, et c'est, mon chef, le général Bisson, le roi des mangeurs. » Les officiers du bord fixèrent leur regard sur leur commandant, et l'un d'eux bredouilla une protestation. « Notre glorieux animal maintient depuis 20 ans pareille réputation sur les mers britanniques. » « Quant à mon général, repartit prestement Daubenton, la sienne s'accroît chaque jour à travers le continent. Les incrédules viennent même de loin pour s'en assurer et repartir convaincus. Sa gloire militaire et gastronomique vous serait depuis longtemps connue, si les occasions de descendre à terre ne vous étaient pas si peu fréquentes. » Les Anglais s'entre-regardèrent, un peu rouges. Le trait les piquait au vif. Le commodore suçait son doigt chargé de sauce, tout en observant Daubenton. L'index léché, il dit « Répétez donc, capitaine !» Lancé, Daubenton affirma « Je répète et j'ajoute. Mon général n'a peur de personne, le sabre à la main. Mais à table, sa fourchette vaut son sabre à la bataille. Jusqu'ici, l'un et l'autre n'ont connu que des victoires. » Le commodore s'écria « Des preuves !»« Tant que vous voudrez. » Et jusqu'à demain, si cela vous plaît. Quand Boulogne, 1802, invité à la table du premier consul, le général Bisson, pour préparer les voies digestives, avale 25 douzaines d'huîtres avant le repas auquel il ne fit que mieux honneur. Pouh ! Objecta Wolsey, le second du bord. Elles sont si petites, les huîtres du détroit, de simples boutons d'uniforme. Bien que ce fussent des cancales, des pieds de cheval, je n'insiste pas. Voulez-vous autre chose ? Les marins s'inclinèrent, curieux. L'empereur, qui a vu mon général partout et qui le connaît à fond, lui a octroyé sur sa cassette particulière une rente spéciale et privée de 20 000 livres pour sa table, en sus de son traitement qui, par ailleurs, est déjà respectable. Ce trait de libéralité impériale laissa le commodore bouche bée. « Ah » fit-il, « Bonaparte est vraiment généreux. » Ce cri du cœur lâché, il se reprit pour demander « Après ?» Puis, Effrayé d'avoir négligé si longtemps son assiette, il la remplit à nouveau. « L'an passé, reprit le capitaine, en Prusse, en ma présence, le général Bisson a, d'un coup de poing, assommé un veau de Bellevenue pour assurer son déjeuner du lendemain. » À ce coup de poing, les officiers bondirent. « Un veau entier ? Qui vous dit qu'il l'ait mangé ?» insinua une voix gouailleuse. « Tu n'es rien. » Domenton toisa le facétieux et continua. « Il l'a englouti, sans m'inviter. » « Je dois toutefois convenir qu'il mourait de faim ce matin-là. » Le commodore Turknet ne disait mot, préoccupé à tel point qu'il espaçait ses bouchées. Soudain, par-dessus les plums pudding et les liqueurs, il ordonna « Une embarcation paraît, et lestement !» Il prit à part le major Wolsey et lui transmit ses instructions. Le second s'inclina, puis invita Daubenton à le suivre. À la stupéfaction du prisonnier, ils embarquèrent dans la baleinière qui vivement piqua vers la côte. Penché sur la lisse, le commodore jeta, en adieu, scandant chaque mot, « Monsieur le Français, si votre chef accueille le défi que je lui adresse, sa victoire sera votre rançon. » À l'instant, le vaisseau amiral, appuyé d'un coup de canon, l'envoie à la misaine du pavillon parlementaire.